Le vendredi 8 juillet, ici Dominique Lelièvre et les informations. Après SNC-Lavalin, c'est maintenant au tour de Roche de proposer à la Ville de Québec volontairement un remboursement pour les sommes payées en trop en raison de la collusion. Le maire Régis Labeaume entretient toutefois peu d'espoir de récupérer des sommes importantes auprès des firmes d'ingénieurs. Le geste est davantage symbolique, a-t-il indiqué. Plus concrètement, il s'agit d'un programme de remboursement volontaire mis sur pied par le gouvernement provincial. L'objectif est de récupérer une partie des sommes payées en trop tout en évitant de longs et coûteux procès. La démarche s'apparente à une médiation entre les organismes publics et les firmes. Un tout nouveau centre communautaire sera érigé dans le quartier Saint-Roch sur le terrain de l'ancien cinéma Odéon. En partenariat avec le fédéral et le provincial, la Ville de Québec investira 30 millions de dollars qui profiteront à trois projets de centres communautaires. Celui de Saint-Roch accueillera en outre une piscine et un gymnase. À Limoilou, le centre Monseigneur Marcoux sera démoli puis reconstruit. Il se trouvera dans le quartier Saint-Pascal et on y trouvera entre autres des salles polyvalentes et un gymnase. À Beauport, enfin, le centre communautaire des Chutes sera agrandi pour offrir davantage d'espaces communautaires. Ces trois projets devraient être terminés pour 2020. Et l'annonce d'un nouvel anneau de glace couvert à Sainte-Foy est bien accueillie par les patineurs de vitesse. C'était un véritable handicap pour les athlètes de la région qui devaient s'exiler une partie de l'année à Calgary, où se trouve actuellement le seul anneau de glace couvert. De quoi compliquer la conciliation avec les études et la famille. Pas facile non plus de s'entraîner chez soi en hiver, l'extérieur, lors de périodes de froid intense. Selon les patineurs de longue piste Laurent Dubreuil et Alexandre Saint-Jean, les nouvelles installations permettront d'initier plus de jeunes à ce sport. Ça change tout. Concrètement, on passe 2 mois et demi en camp d'entraînement, 2 mois par année à Calgary, toutes les années, surtout dans les sessions d'école. Je pense à Alex ici qui est en dentisterie, qui est 6 cours à l'université, c'est pas facile. Ça va changer nos vies, vraiment. On va être plus à domicile, meilleures conditions d'entraînement au quotidien. Là, je parle même pas de quand on patine à moins 25 dehors ou quand on ne patine pas à moins 25 degrés dehors l'hiver. Sur la scène internationale, nous deux, on est pas mal les seuls qui s'entraînent dehors. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde a des installations couvertes dans leur ville, dans leur pays. Terminons ce tour de l'actualité à l'international. La police de Dallas est maintenant en mesure d'affirmer que des motifs raciaux sont derrière la fusillade qui a éclaté hier, tuant 5 policiers. 7 autres personnes ont été blessées, mentionnant que 3 suspects ont été interpellés jusqu'à présent. Le drame est survenu au cours d'une manifestation qui rendait hommage aux 2 Afro-Américains tués par des policiers blancs cette semaine aux États-Unis. À CKRL, c'était les actualités. De retour à l'émission Midi Jazz.